Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Alors pour les bacheliers, on arrive au bout des épreuves. Par contre pour les jeunes qui vont passer le brevet, eh bien c'est la dernière ligne droite, hein. C'est cette semaine, cette dernière semaine du mois de juin, et oui déjà. Mais après tous ces examens, eh bien ce sera les vacances et bon courage aussi puisqu'il va faire chaud cette semaine, hein, ça va être la canicule avec des températures prévues jusqu'à peut-être 40 degrés cette semaine. Donc on vous ne le répétera pas assez, surtout hydratez-vous, hein, buvez de l'eau, essayez de rester au frais le maximum et ne vous exposez pas au soleil et prenez bien soin des personnes âgées dans votre entourage. Allez, en ce lundi 24 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Jean, ça vient de l'hébreu, Dieu fait grâce. Jean est un homme ouvert, jovial, hospitalier, amical, souvent jupitérien, le prénom faisant 12 comme le cycle de Jupiter ou appartenant au signe des Gémeaux. En général, enthousiaste, voire exubérant, ce qui ne manque pas de le rendre sympathique. Il est brillant et en impose par sa forte personnalité, son intelligence fine et vive, ses facultés d'élocution et sa rapidité de compréhension et d'action. Quelque peu opportuniste, Jean a l'art de charmer et de séduire et se révèle très adaptable. Brillant en société, il apprécie d'être le centre d'attraction et a souvent tendance à l'exagération, soit pour amuser, soit pour impressionner son auditoire, monopolisant ainsi l'attention sur sa chère personne. Sensible à la flatterie, il est quelque peu narcissique et aime donner l'exemple. Cela peut se traduire par un raffinement vestimentaire ou par une belle assurance, due en partie à la confiance qu'il a en lui-même et à la chance qui intervient souvent en sa faveur. Dicton du jour, à la Saint-Jean, le raisin pend. Eau de Saint-Jean, peu de vin et pas de froment. De Saint-Jean à Saint-Pierre, qui est le 29 juin, la semaine des haricots. Du jour de Saint-Jean, la pluie fait la noisette pourrie. À la Saint-Jean, les jours les plus grands ou encore pluie à la Saint-Jean dure longtemps. Bon alors, pas de pluie prévue au programme, hein. Aujourd'hui on verra ça tout à l'heure. Dans les célébrations internationales, journée internationale du surf, en Biélorussie, Pologne, Russie et Ukraine, c'est fête d'Ivan Kupala ou fête de Saint-Jean le Baptiste. Canada, Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec. Et au Pérou, à Cusco, c'est la fête du soleil Inca. Et dans les événements qui se sont déroulés un 24 juin 1497, découverte du Canada par le navigateur Jean Cabot. Allez, tout de suite, première pause musicale avec les Dire Straits et leur titre Sultans of Swing. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Thank you. Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. About any trumpet playing band, it ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Les Dire Straits avec le titre Sultans of Swing sur RGM. Un peu plus de 8h39, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 juin 1942, naissance de Michelle Lee, actrice américaine vue dans la série L'île fantastique dans le rôle de Carol D'Angelo, La croisière s'amuse dans le rôle de Dorothy McCabe ou encore Côte Ouest dans le rôle de Karen Faygate McKenzie. 1947, naissance de Peter Weller, acteur américain vu dans Robocop 1 et 2 dans le rôle de l'officier Alex Murphy, alias Robocop, dans la série télé 24 heures chrono, la saison 5, dans le rôle de Christopher Anderson, la saison 5 de Dexter, dans le rôle de Stan Leedy, Hawaii 5-0, ou encore les saisons 6 et 7 de Sons of Anarchy, je vais y arriver, dans le rôle de Charles Borowski. 1949, naissance de John Hillsley, bassiste du groupe Dire Straits. 1950, naissance de Nancy Allen, actrice américaine, connue pour son rôle d'Anne Lewis dans Robocop 1, 2 et 3. 1961, naissance de Kurt Smith, chanteur bassiste du groupe Tears for Fears. 1967, naissance de Sherry Stringfield, actrice américaine, vue dans la série New York Police Blues, Jones dans le rôle de Laura Michael Scully, la série Urgence dans le rôle du docteur Suzanne Lewis ou encore Criminal Minds, Beyond Borders dans le rôle de Karen Garrett. 1970, naissance de Glenn Medeiros, chanteur américain. 1973, naissance de Jonathan Lambert, humoriste, acteur, chroniqueur télé français, vu dans Je préfère qu'on reste amis, Palais Royal, L'amour c'est mieux à deux, L'amour dure 3 ans, Bienvenue à Marly Gaumont ou encore à la télévision dans Fais pas ci, fais pas ça ou encore Les Chamois. 1987, naissance de Lionel Messi, joueur de foot argentin professionnel depuis 2004 qui joue depuis cette période pour Barcelone. Considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, il est le premier footballeur à gagner entre autres distinctions 5 ballons d'or. Sextuple soulier d'or, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine. Avec 36 titres remportés en carrière, il possède l'un des plus beaux palmarès du foot mondial. Il a remporté notamment 4 Ligues des Champions, 10 Championnats d'Espagne, 6 Coupes d'Espagne, 8 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, une médaille d'or aux Jeux Olympiques 2008, une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone et le joueur argentin le plus titré toute époque confondue. Il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, dont son équipe a terminé vice-championne du monde. Il a atteint également la finale de la Copa América à 3 reprises. En 1768, décédée Marie Leszczyńska, princesse de Pologne et reine de France, qui fut l'épouse de Louis XV. En 2000, décédée David Tomlinson, acteur britannique, membre de la Royal Air Force, connu pour son rôle de George Banks dans le film Mary Poppins et son rôle d'Emilius Brown dans L'apprenti sorcière. En 2014, décédée Eli Wallach, acteur américain, vu dans Baby Doll, Les Sept Mercenaires dans le rôle de Calvera, Les Désaxés, La Conquête de l'Ouest dans le rôle de Charlie Gunt, Le Bon, la Brute et Le Truand dans le rôle de Tuco, le Truand, Le Cerveau de Gérard Rouri dans le rôle de Frankie Scanapieco, Le Parrain 3 dans le rôle de Don Altobello, Mystic River de Clint Eastwood dans le rôle de Monsieur Looney, The Holiday dans le rôle d'Arthur Abbott ou encore Wall Street, L'Argent ne dort jamais. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec les Tears for Fears et le titre Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Les Tears for Fears, c'est pas facile à dire hein, quand même, sur le 107 FM, un peu plus de 8h46, et il est temps pour nous eh bien, de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, très belle journée ensoleillée, hein, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 30 et jusqu'à 33 degrés prévus pour cet après-midi. Mardi, du soleil, des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin, entre 32 et 34 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 20 et 21 degrés mercredi matin et entre 35 et jusqu'à 37 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde féminine. Et les premiers résultats des huitièmes de finale, et on va tout de suite s'intéresser au match hein, qui nous intéressait. Il a eu lieu hier soir. Il opposait la France au Brésil de la star Marta. Il a fallu attendre les prolongations pour voir la victoire de l'équipe de France 2-1. La France est donc qualifiée pour les quarts de finale, mais c'est vrai qu'on est un petit peu passé par toutes les émotions. Hier soir, il y a eu beaucoup de fautes. Premier but signé Gauvin, ensuite le Brésil a égalisé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Il y a eu donc les prolongations avec un sauvetage sur la ligne signé Mbok et le but de la victoire signé Amandine Henry. Voilà qui est chose faite. Dans les autres résultats des huitièmes de finale, l'Allemagne a battu le Nigeria 3-0. La Norvège s'est qualifiée après les tirs au but face à l'Australie et l'Angleterre a battu le Cameroun 3-0. Aujourd'hui, l'Espagne affrontera les États-Unis et la Suède sera opposée au Canada. Un mot de l'Euro U21 où la France s'est imposée 1-0 face à la Croatie. Aujourd'hui, la France affronte la Roumanie. Et du côté de chez nous, en Coupe des Vosges, le Savière a battu en finale Saint-Nabor. Un mot de formule avec le Grand Prix de France remporté par Hamilton devant Bottas et devant Charles Leclerc. 11e, Pierre Gasly, a noté que Romain Grosjean lui a abandonné. Un mot de basket avec le dernier match de préparation à l'Euro pour l'équipe de France féminine qui s'est imposée dans les dernières secondes, 73-70 hier soir face à la Chine. En ce moment même, elle se dirige vers la Lettonie. Un mot de rugby avec la Coupe du Monde U20 et Cocorico puisque la France a battu ce week-end l'Australie 24-23. Les U20 sont donc champions du monde pour la deuxième fois consécutive. Un mot des Jeux européens qui ont lieu à Minsk en judo. Médaille de bronze pour Amandine Bouchard. Médaille d'or décrochée hier par Clarisse Agbenounou. En sambo, c'est de la lutte. Médaille de bronze pour Laure Fournier. Et en tir à l'arc, l'équipe de France masculine a décroché la médaille d'or. Un mot du hockey sur glace maintenant avec l'EHC et la prolongation d'Audric Donnet. On termine cette actualité avec du tennis. Tout d'abord, les résultats des tournois de la semaine passée. À noter qu'au tournoi du Queens, Gilles Simon s'est incliné en finale face à Feliciano Lopez et c'était décidément la semaine de Feliciano Lopez puisqu'il s'était également imposé en double en compagnie d'Andy Murray. Ça, c'est un comeback. Au tournoi de Halle, Roger Federer s'est imposé en finale face à David Goffin. Le Suisse remporte ainsi le tournoi de Halle pour la 10e fois. Et à noter qu'au tournoi de Birmingham, grâce à sa victoire à Ashley Barty face à Gorge, eh bien Barty devient numéro 1 mondial à partir d'aujourd'hui. Et à noter que ce week-end, l'Argentin Juan Martín Del Potro s'est fait opérer et ça s'est bien passé comme il a pu le signaler sur ses différents réseaux sociaux. Allez, deux tournois cette semaine. Tout d'abord à Antalya. Aujourd'hui, Humbert affrontera Delboni. C'est au tournoi de Eastbourne. Côté féminin, Alizé Cornet affrontera Svitolina. Et côté masculin, Jérémy Chardy sera opposé à Nori. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Glenn Medeiros, Elsa, un roman d'amitié. Sometimes I think of me and you.